Perdu du temps, je peux pas rater ça. Le manque de sous nous rend agressifs. Il faut des papiers, des ma peste. Trop de fierté qu'on devient blessé. On fait du papier, des ma peste. J'ai mal au cœur, mais je m'en fais même pas. Y'a beaucoup d'ennemis qui veulent me. Y'a beaucoup d'ennemis qui veulent me. C'est le ghetto, le béton pour le ghetto, le bédo pour le réseau, ces bâtards sont trop bêtes. Les affaires dans le bendo, le ghetto c'est le ghetto, ta go dans le go, quand t'es fait le boulot. On va pas faire comme si, ici tout allait bien. Y'a beaucoup d'ennemis qui veulent ma peau, mais j'suis déjà prêt pour ça. J'ai même pas besoin de bon, j'ai du papier des mappés ça. Le fusil va chanter la boutata comme Fali ou pas. Une leçon de pratique, ce monde me fatigue. Les deux pieds dans le Jekka, dès que j'arrive je rodage. J'ai de quoi les paniquer, de quoi les faire flipper. Mais ce monde me fatigue, mais bon ça va aller. On pull up, t'inquiète, c'est lui qui se marre, t'as pas de chance. T'aimes bien réveiller la fête, les bruits des orages et des tempêtes. Des colères, des sourires noirs, si on ne voit plus là c'est que t'es mort. Et dès qu'il y a des gens qui partent, c'est les heureux qui font que ça part. J'aurais pas dû leur faire confiance, regarde tous ces bâtards, ils ont décès mon cœur. J'arrive en grosse voiture, devant le club, notre speed. C'est moi, dans ma tête, Gilo, Riribiante. C'est mon médicament, mon quotidien fait que des fois je déconne. Je roule à notre idée, je déconne. Pourquoi tu réponds pas? Tu sais que je suis un mec d'en bas. C'est la vie du bloc en chance. Si je t'ai loupé, t'as de la chasse. Plus de billets, je tourne la page. Le ghetto, c'est le ghetto. Le béton pour le ghetto. Le bédo pour le réseau. Ces bâtards sont trop bêtes. Les affaires dans le bendo. Le ghetto, c'est le ghetto. Ta gueule dans le go. Quand t'es fait le boulot, on va pas faire comme si ici tout allait bien. Y'a beaucoup d'ennemis qui veulent ma peau, mais j'suis déjà prêt pour ça. J'ai même pas besoin de bois, j'ai du papier des mappés ça. Le fusil va chanter la boutata comme Fali ou pas. Une leçon de pratique, ce monde me fatigue. Les deux pieds dans le Jekka, dès que j'arrive je regarde. J'ai de quoi les paniquer, de quoi les faire flipper. Mais ce monde me fatigue, mais bon ça va aller. Allez, faites tourner!